Ésaïe chapitre 35. Le désert et le lieu aride se réjouiront, et le lieu solitaire s'égayera, et fleurira comme une rose. Il fleurira abondamment, et s'égayera, s'égayant même et chantant en triomphe. La gloire du Liban lui est donnée, avec la magnificence de Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, et la magnificence de notre Dieu. Renforcez les mains lâches, et fortifiez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, et ne craignez plus, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même, et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet chantera en triomphe, car des eaux sourdront au désert, et des torrents au lieu solitaire. Et les lieux qui étaient secs deviendront des étangs, et la terre altérée deviendra des sources d'eau, et dans les repères des dragons, où ils faisaient leur gîte, il y aura un parvis à roseaux et à joncs. Et il y aura là un sentier et un chemin, qui sera appelé le chemin de sainteté, celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour ceux-là, celui qui va son chemin, et les fous, ne s'y égareront point. Là il n'y aura point de lion, et aucune de ces bêtes qui ravissent les autres, n'y montera point, et ne s'y trouvera point, mais les rachetés y marcheront. Ceux donc desquels l'Éternel aura payé la rançon, retourneront, et viendront en Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle sera sur leur tête, ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront.